Dans l'imaginaire contemporain, l'alchimie est cette pratique obscure, moyenâgeuse, nimbée d'un halo de mysticisme frelaté qui cherchait, entre la pierre philosophale ou la panacée universelle, à rendre les humains riches ou éternels. Mais ce n'est pas du tout ce que nous raconte l'histoire des sciences. L'alchimie, c'est avant tout une première approche de la définition de la matière, un ensemble précurseur de pratiques qui deviendront au XVIIIe siècle, en perdant leur halo, la chimie moderne. Alors faut-il, au XXIe siècle, réhabiliter l'alchimie ? Quand la chimie a abandonné la pierre philosophale, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de débarrasser l'alchimie de ses oripeaux fantastiques, irrationnels, trier le bon grain de l'ivraie et en proposer une tentative de réhabilitation rationnelle, oui, c'est un vaste programme, mais nous allons nous y atteler. Pour ça, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences à l'Université de Lille. Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'alchimie publiée chez Vuibert. Bonjour Didier Kahn. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre d'études de la langue et des littératures françaises, auteur du Fixe et du Volatile, Chimie et Alchimie de Paracelse à Lavoisier aux éditions CNRS. Vous pouvez, comme chaque soir, suivre notre émission en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Alors, pour commencer, bien, depuis sa chute en disgrâce, disons, dans le courant du 19e siècle, on y reviendra, vous le préciserez, l'alchimie a donc acquis cette image de discipline, on va dire, ésotérico-occultiste, qui est réservée à quelques loges secrètes confusément pagano-satanistes, pour définir ça comme ça à grands traits. À partir de quand ont commencé des travaux sérieux, on va peut-être pas dire de réhabilitation, mais de compréhension historique de l'histoire de l'alchimie, Bernard Joly? Ben, écoutez, je crois que il y a eu un développement important des travaux sur l'alchimie à partir en France, à partir des années 80 à peu près. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me sentais un peu seul, beaucoup moins aujourd'hui quand même, les choses ont bien changé. À ma connaissance, le premier congrès international sur l'histoire de l'alchimie s'est tenu aux Pays-Bas, à Groningue, en 1992. Donc ça a été vraiment un début, puisque la plupart de ceux qui aujourd'hui encore travaillent sur ce sujet se sont pour la première fois retrouvés. Et puis après, il y a eu d'autres colloques, journées internationales qui se sont développées et qui ont créé une petite communauté d'historiens des sciences, historiens de la philosophie, historiens de la chimie, qui aujourd'hui permettent de jeter un regard tout à fait nouveau sur l'alchimie et son histoire. Didier Kahn, ça a été difficile de dépouiller l'alchimie justement de cette image de marque, de mysticisme frelaté, comme je le disais dans l'introduction de cette émission. Oui, ça a été particulièrement difficile, surtout que les premiers à tenter cette opération en ont peut-être un peu trop rajouté à l'époque, dans les années, disons, 79, en ont peut-être un petit peu trop rajouté dans le genre positivisme. Bon, mais chacun a apporté sa pierre. En fait, il a fallu essentiellement que de plus en plus de chercheurs parviennent à identifier des théories solides et influentes qui permettent de reconstituer l'histoire des théories, des idées alchimiques au fil des siècles. Et du coup, on s'est trouvé devant une véritable histoire de l'alchimie qui a pris corps. Bernard Joly ? Oui, il a fallu pratiquement tout construire en retrouvant des textes qui étaient très abondants d'ailleurs. Mon directeur de thèse, il y a déjà quelques dizaines d'années, me disait « Oh, c'est un sujet facile, de toute façon, il n'y a pas de littérature, il n'y a rien sur le sujet, il y a deux, trois textes par-ci, par-là. Ben » Au contraire, il y avait abondance, surabondance de textes qui avaient juste un petit inconvénient, c'est qu'ils étaient pour la plupart du temps écrits en latin. Donc il fallait lire, traduire, et ensuite commenter et découvrir ces corpus qui se sont constitués, dès les premiers siècles de notre ère, au monde arabe, mais on n'a pas énormément de traces, et au Moyen-Âge, ou alors il y a eu un grand nombre de manuscrits qui ont été imprimés au XVIe et au XVIIe siècle et qui ont constitué, dès le début du XVIIe siècle, un corpus considérable de plusieurs centaines de textes. Donc, pour étudier aujourd'hui tous ces courants et ces ramifications de l'histoire de l'alchimie, on n'a que l'embarras du choix. Et on va voir par ailleurs que ce sont des textes qui peuvent aussi poser un certain nombre de problèmes dans leur retranscription, dans leur traduction, dans leur passation au fil de cette histoire de l'alchimie. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous demander un exercice difficile, voire impossible. Comment aujourd'hui, au regard de vos travaux respectifs, définiriez-vous l'un et l'autre l'alchimie ? Didier Kahn. Je crois qu'on peut s'accorder sur l'idée que l'alchimie se définit par la recherche de la transmutation, c'est-à-dire de la transformation des métaux en argent et en or. C'est en gros le but le plus constant qu'ont poursuivi les alchimistes. Et à partir du XIIIe siècle, par la recherche de la prolongation de la vie, d'un remède universel qui permette de chasser toutes les maladies, de façon à prolonger la vie. Alors dans tout ça, on n'a ni la volonté de s'enrichir, à proprement parler, ni la volonté de s'immortaliser, de devenir immortel. Pour ce qui est de la recherche de l'or, c'est un challenge scientifique. Donc il s'agit d'explorer la nature, de parvenir à découvrir ses lois et à les reproduire. Et pour ce qui est de la prolongation de la vie, on ne cherche pas l'immortalité parce qu'on est dans un contexte chrétien. Là, je vous parle évidemment de l'alchimie du XIIe au XVIIIe siècle, une fois qu'elle fait son arrivée donc dans le monde chrétien. Oui, pour compléter un peu sur un plan plus, je dirais, plus institutionnel, je dirais que l'alchimie, c'est la chimie des anciens temps. Parce que je pense que c'était une chimie qui se crée. D'ailleurs, ce sont les alchimistes qui ont inventé le mot, d'abord grec, chemia, puis arabe, puis latin, chimia, puis chimie ou alchimie. Hein, qui étant le mot arabe, al-chemia, al-chimia, la chimie. La chimie, c'est un mot, le chimia veut dire chimie. On ne sait pas très bien quelle est son origine. Le mot apparaît dans la littérature grecque tardive vers le 5e, 6e siècle de notre ère, quelque part par là. Donc le mot apparaît, chemia. Les Arabes le reprennent, al, l'article arabe, chemia. Et puis les Latins, qui traduisent l'arabe en latin au 12e, 13e siècle, traduisent ou bien au choix, ou bien alchemia, alchimia en latin, ou bien chimia, en enlevant l'article. Ce qui fait qu'on a au XVIe et au XVIIe siècle les deux mots, chimia et chimie et alchimie en français ou dans les autres langues européennes. Pour définir exactement la même chose. Voilà. Qui sont considérés comme absolument équivalents. Donc pour moi, c'est essentiellement une chimie. Alors une chimie qui part de rien, c'est-à-dire qui est au départ plus une pratique de laboratoire, mais qui a besoin de construire sa théorie. Ce qui fait que très rapidement, ça devient aussi une sorte de philosophie naturelle, c'est-à-dire d'un savoir qui essaye de comprendre la matière, la nature dans sa globalité. Et qui produit au fur et à mesure ces concepts en empruntant aux philosophies anciennes, mais aussi en construisant ces théories. Ce qui fait que c'est à la fois une chimie pratique et puis une chimie très théorique, sans qu'on puisse vraiment séparer l'un de l'autre. Donc ce serait ça, je dirais, pour moi, la définition. C'est une chimie qui naît de travaux de laboratoire, qui construit la philosophie naturelle, la philosophie de la nature, la philosophie de la matière dont elle a besoin. Est-ce qu'il faut considérer, selon vous, avec le regard historique ou épistémologique que l'on porte maintenant, aujourd'hui, en 2017, sur l'alchimie, est-ce qu'on peut la considérer comme une science, Didier Kahn ? Une science, ça... Une démarche scientifique ? Oui, une démarche scientifique, on pourrait le dire. Enfin, c'est là encore, il faudrait utiliser beaucoup de précautions parce que la notion même de science n'est pas du tout la même au Moyen-Âge et aujourd'hui. Mais si on se reporte au contexte médiéval, par exemple, l'alchimie devient une science lorsqu'elle construit sa propre théorie. Sinon, on la considère comme ce qu'on appelle à l'époque un art mécanique, c'est-à-dire une pratique manuelle. Et on considère dans ce cas-là que sa théorie relève de la physique. Donc vous voyez, c'est pas facile de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit Bernard Joly, sa théorie se construit donc à l'aide et en marge des autres philosophies qui sont disponibles au moment où elles se développent. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que... en particulier dans le monde médiéval et à l'époque moderne, L'alchimie se construit souvent en marge d'Aristote, puis contre l'aristotélisme. Mmh. Et on verra que c'est particulièrement vrai dans l'alchimie médicale ou médicinale qui émerge après Paracelse. Bernard Joly, votre point de vue en tant qu'historien des sciences sur la nature scientifique ou de la démarche scientifique de l'alchimie, on a prononcé le mot de laboratoire, on va voir que c'est à travers l'alchimie que le laboratoire émerge ou naît. Tout à fait. L'un des premiers dictionnaires de la langue française, le Furetière, en 1690, à l'entrée laboratoire, la définition, c'est « lieu où les chimistes se livrent à leurs opérations ». Et c'est tout. Et puis il complète, le roi possède deux beaux laboratoires, etc. Donc, à la fin du XVIIe siècle, un laboratoire, c'est l'endroit où travaillent les chimistes ou alchimistes, puisque les deux mots sont considérés comme synonymes. Donc, ça n'est que par la suite que le mot va prendre un sens beaucoup plus large. Donc c'est d'abord une pratique. Alors, une science expérimentale. Alors une science expérimentale. Alors c'est vrai que Didier avait raison de le dire il y a un instant. Le mot science peut paraître anachronique parce que il est attaché pour nous à des savoirs qui bien souvent impliquent une formalisation mathématique ou des choses de ce genre qui sont complètement absentes de la démarche des alchimistes ou des chimistes de cette époque. Alors il y a un autre mot qu'on pourrait utiliser, c'est le terme de savoir. Hein, Gérard Simon, dans ses travaux sur Kepler, à la fois astronome et astrologue, aimait bien utiliser ce mot savoir pour désigner justement des domaines de connaissances qui se construisent avec un souci de cohérence, de rationalité, mais que l'on hésitera peut-être, pour des raisons notamment d'anachronisme, à appeler science. Donc l'alchimie est certainement un savoir qui se construit, qui se développe, et puis qui prend conscience de son histoire, etc. Vous avez publié, Bernard Joly, un article qui s'appelle « Quand l'alchimie était une science » et vous écrivez « Mon hypothèse centrale est la suivante, l'alchimie exprime une volonté de comprendre la structure de la matière, en particulier des corps mixtes, qui a été pendant de nombreux siècles l'une des formes rationnelles de la réflexion scientifique et philosophique sur la matière. » Oui, effectivement, je ne renie pas cette phrase déjà un peu ancienne, mais il y a... au cœur même de l'alchimie, une volonté de comprendre la structure de la matière et de comprendre la structure des métaux que l'on considère, bon, de notre point de vue aujourd'hui, à tort, comme des corps mixtes, et donc des corps, puisqu'ils sont mixtes, décomposables en leurs éléments constitutifs. Et c'est ça qui rend cohérent la démarche alchimique, c'est que puisque les métaux sont des corps mixtes, pourquoi ne pas pouvoir les décomposer pour ensuite les recomposer d'une autre manière pour construire un autre métal en l'élaguant de ses impuretés diverses qui faisaient qu'on avait un métal qui rouillait et on aura un or qui est inaltérable parce qu'il a été amélioré. Donc pour moi, c'est vraiment cela l'idée de départ, c'est un savoir portant sur la matière en général, les métaux en particulier, les métaux étant considérés comme la matière par excellence sur lesquelles, pendant longtemps, les chimistes ou alchimistes vont travailler. Alors, on va voir justement quels sont les premiers états de connaissance de la structure de la matière que nous livrent et que proposent les écrits les premiers alchimistes. Mais avant cela, peut-être un mot, et là aussi, c'est un travail peut-être un peu compliqué d'exégèse de ces nombreux textes scientifiques sur les débuts de l'alchimie. On les a souvent fait remonter, Didier Kahn, à l'Égypte antique. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'où vient l'alchimie? D'où prend-elle sa source? Quels sont les premiers textes qui attestent d'une forme de recherche alchimique? Alors, on sait extrêmement peu de choses sur les débuts de l'alchimie, c'est un peu désespérant. Les premiers textes alchimiques apparaissent en grec dans l'Égypte hellénistique et le plus ancien texte, on peut le dater par recoupement du 1er siècle de notre ère. Mais il faut bien voir que les plus anciens manuscrits dont on dispose datent du 11e siècle, ce qui fait quand même un trou de 1000 ans. C'est considérable. Et voilà, tout ce qu'on sait, c'est que les premiers textes alchimiques tels qu'ils se présentent à nous portent visiblement deux traditions simultanément, l'une qui est celle des secrets des arts et métiers et l'autre qui est le climat néoplatonicien, le climat un peu hérité des mystères antiques qui baigne cette époque, qui baigne le contexte dans lequel ces traités sont apparus. Voilà. Et donc, les premiers traités qui apparaissent ont à la fois un caractère extrêmement pratique et un caractère qu'on pourrait qualifier d'initiatique, qui d'ailleurs va se perdre ensuite souvent et puis revenir au gré des... Bernard Joly, on trouve effectivement dans ces premiers traités très pratiques, comme le disait Didier Kahn, on trouve dans cette littérature d'un certain nombre de recettes, par exemple, qui visent la teinture des tissus. Oui, tout à fait. C'est ce genre de d'écrit dont on parle. Tout à fait, avec des analogies entre la possibilité de teindre un tissu... La teinture, c'est pas de la peinture, c'est pas de la surface, ça va à la trame même du tissu. De la même manière, on va travailler sur des métaux, non pas simplement pour les dorer, mais pour les rendre or jusqu'au cœur même de la matière. Donc on a ces recettes au tout début, et puis autour, effectivement, des constructions plus ou moins mystiques de réflexion sur la matière, sur la transformation, sur la possibilité de spiritualiser la matière. Alors, avec l'ambiguïté du mot, aussi bien en grec pneuma qu'en latin spiritus, hein, qui veut dire à la fois un esprit mais aussi un souffle, donc correspondant à ce que nous appelons aujourd'hui un gaz, mais le mot n'existe pas avant la fin du XVIIe siècle. Et donc, spiritualiser la matière, c'est une opération qui se fait dans l'athanor, ou dans l'alambic, puisqu'on transforme un corps liquide en esprit, mais ça renvoie aussi à l'idée qu'on va pouvoir améliorer le monde entier, la nature, alors peut-être même la nature humaine, en spiritualisant, alors là dans l'autre sens de spiritualiser, non pas le sens chimique, mais un sens plus spirituel au sens moderne du terme. Donc on a les deux aspects qui se mélangent, et il n'est pas toujours facile de bien distinguer, vu que les textes sont peu nombreux, ils sont quelquefois fragmentaires, et s'offre pas à une interprétation très très facile, très poussée. De quelle connaissance de l'état de la matière, quels sont les premiers postulats que l'on trouve autour dans ces traités alchimiques? Je pense notamment au mercure que l'on pense comme étant l'essence précisément de tous les métaux. Bernard Joly, c'est cela? Oui, effectivement, le mercure et le soufre qui vont apparaître comme étant les éléments fondamentaux, les principes, le mot va apparaître par la suite, les principes constitutifs de la matière en général, des métaux en particulier, sans doute à partir d'observations faites sur des opérations de petite métallurgie, hein, où notamment le cinabre, qui est le minerai de mercure, se décompose en mercure coulant, et puis en émanation de soufre, parce que c'est un sulfure métallique. Et donc, il y a une opération technique simple, mais qui peut avoir donné l'idée, c'est une hypothèse, hein, avoir donné l'idée qu'au fond, tous les métaux étaient eux-mêmes constitués de deux principes fondamentaux qui leur donnent leurs propriétés. C'est pour ça qu'on les appelle pas seulement des éléments, mais même des principes, parce qu'ils vont leur donner leurs propriétés. Les métaux sont plutôt coulants quand on les chauffe, parce qu'il y a un principe mercure. Ils sont plutôt, ils ont aussi des affinités avec le feu. C'est le principe soufre. Hein. Donc c'est pas seulement des éléments, c'est aussi des principes qui rendent compte des propriétés de la matière. Ce couple soufre mercure, il va constituer la base de la théorie des métaux pendant de nombreux siècles. Didier Kahn. Oui, ça va être donc c'est une théorie. La théorie du soufre et du mercure apparaît dans l'alchimie arabe et ensuite elle est récupérée par dans l'Occident chrétien, elle est récupérée en ce sens que elle va entrer en résonance avec ce qu'on appelle la théorie aristotélicienne de la double exhalaison, donc, qui est une idée d'Aristote selon laquelle les métaux naissent au sein de la Terre du mélange d'une exhalaison sèche et d'une exhalaison humide. Alors évidemment, le soufre et le mercure forment de jolis parallèles. Bon, en même temps, ce n'est pas de l'aristotélisme, mais là, on va avoir toutes sortes de conflits qui vont naître et de tentatives de résolution. La tentative principale de résolution de ce conflit pour ou contre Aristote étant l'idée que on peut arriver à ramener les métaux à leur matière première. Alors, les essentialiser. Pas les essentiels. Non. Vraiment les ramener à leur matière première, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, pour recomposer, donc les réduire en leurs principes constituants, si vous préférez, et recomposer ensuite ces principes constituants de façon à amener le métal au stade de l'or. Ce qui suppose naturellement qu'on connaisse la composition de l'or. Bon, voilà. Un beau programme de recherche. à méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez la méthode scientifique donc, et nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire de l'alchimie et du passage de ce qui va être et ce que nous allons décrire comme étant l'alchimie médiévale en la chimie moderne. Nous en parlons avec Bernard Joly et Didier Kahn qui ont tous les deux travaillé sur cette histoire sulfureuse, sans mauvais jeu de mots, de l'alchimie. On avance pour justement arriver à cette période médiévale. Et l'un des apports principaux, nous le disions tout à l'heure, de l'alchimiste à la méthode scientifique ou à la démarche scientifique, c'est l'apparition, la création du laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous m'expliquerez plus tard d'où vient la bourse d'or que j'ai trouvée tout à l'heure sur votre bureau, mais en attendant, vous êtes parti à la quête des premiers labos de l'histoire. Oui, Alain Kerhuel est chimiste, retraité, il a écrit le livre de l'alchimie au Moyen-Âge à la chimie moderne aux éditions de Massane, et il m'a expliqué ce qui pouvait se pratiquer dans un laboratoire d'alchimiste, mais également l'ordre dans lequel les expérimentations d'alchimie devaient se faire. Et surprise ou non, il se pourrait bien que la chimie et garder dans ses gènes quelques traces de ses méthodes expérimentales issues de l'alchimie. Le problème des alchimistes au départ, c'est qu'ils pensent sincèrement que le créateur, Dieu, n'a pas eu le temps de tout faire et qu'il faut lui donner un coup de pouce. Alors ça, en plein milieu du Moyen-Âge, où vous avez une église toute puissante et une féodalité, c'est déjà très, pas révolutionnaire, le mot est un peu fort, mais c'est contre-pouvoir, ça c'est évident. Et à partir de là, disons que vous avez deux formes d'alchimie. Vous avez une alchimie opérative ou manipulatoire, donc c'est la pierre philosophale et c'est tout, éventuellement toutes les expériences qui vont conduire éventuellement beaucoup plus tard à la chimie. Et puis vous avez une alchimie spéculative qui, elle, s'interroge davantage sur le cosmos, sur la perception de l'univers, en clair, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on y fait, d'où venons-nous, voilà. Donc vous avez deux sortes d'alchimie, vous voyez. Alors, vous avez donc bien sûr un laboratoire où on fait des manipulations. Hein. Et justement, cet endroit-là, à quoi il peut ressembler et quels ustensiles sont présents? Alors à quoi il ressemble, vous savez, c'est relativement rudimentaire à l'époque. Hein. Vous avez des laboratoires avec des appareils de distillation, choses comme ça. Vous avez les principales opérations basiques d'un labo d'aujourd'hui. Alors, vous parliez de ces opérations un peu de base. Quelles sont-elles ces opérations? C'est la distillation, voilà, la calcination. La décantation, oui. Voilà. Et ça correspond à ce qu'on appelle aux couleurs du grand œuvre et aux étapes du grand œuvre. C'est-à-dire le grand œuvre, c'est l'alchimie, c'est la même chose. Et les couleurs du grand œuvre, c'est le noir. Parce qu'on commence par détruire toute la matière, donc calcination, tout ce que vous voulez. Ensuite, on a une œuvre au blanc, où on a un commencement d'opération qui réussit. Et on arrive au rouge, l'œuvre au rouge, qui est la dernière étape, ou qui là, normalement, permet la transmutation dont je parlais tout à l'heure. Il y a de très grands scientifiques qui ont été eux-mêmes alchimistes. Oui. Isaac Newton, par exemple. Est-ce qu'il faut s'en étonner? Si on raconte l'histoire de Newton, ça va être assez long. Ouais. Enfin, parce que c'est un savant, il s'est beaucoup intéressé à l'antimoine. Plus exactement à la stibine, qui est un trioxyde d'antimoine. Enfin bon, disons l'antimoine. Et il a cru trouver en cet antimoine le mercure principe, et puis il s'est aperçu que ce n'était pas ça. Et il a arrêté aussi parce qu'il a eu une intoxication au plomb, il a failli y laisser sa peau, donc on s'est arrêté là. Si on parle d'autres alchimistes, il y en a un qui est très connu aussi, et puis qui a été très discret parce qu'il savait, c'est Chaptal. Chaptal s'est occupé de chimie, d'alchimie, et puis de politique aussi, d'économie, puisqu'il a été un grand ministre de Napoléon quand il est sous le consulat. Et là, je dirais que dans son domaine de Chanteloup, où il ne reste plus que la pagode, il travaillait beaucoup, je dirais, à ces opérations-là. Bon, il a trouvé la chaptalisation pour sucrer les vins, mais je dirais qu'il s'est occupé également d'alchimie. C'est de la chimie. C'est de la chimie pure, là, oui, absolument. Voilà le reportage du jour consacré donc notamment à cette question, à cette invention du laboratoire et à quelques héritages de la chimie. Vos réactions l'un l'autre, Bernard Joly? Oui, il est vrai que dans ce qu'on vient d'entendre, qu'il y a effectivement quelque chose d'essentiellement chimique, forcément, dans les travaux de laboratoire. Hein, les chimistes font des distillations, font des calcinations et toutes sortes d'opérations qu'on ne fait peut-être plus beaucoup aujourd'hui dans les laboratoires du 21e siècle de chimie. Mais enfin, qu'on a fait pendant très longtemps. Donc, de ce côté-là, c'est absolument certain. Cela étant, je ne crois pas qu'il faille opposer une alchimie de laboratoire à une alchimie théorique, spéculative. Les deux vont ensemble. Et le travail du laboratoire est en continuité d'un travail de réflexion théorique qui lui-même se nourrit des travaux de laboratoire. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lié, noué, et je pense pas qu'on gagne grand-chose pour comprendre l'histoire de l'alchimie à opposer les deux. Je dirais même que l'opposition permet à certains tentés par des travaux ésotériques au XIXe siècle de recueillir la partie soi-disant spéculative de l'alchimie pour en faire leur beurre, mais en fait, non, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Didier Kahn. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'idée, par exemple, que l'alchimie puisse avoir été un contre-pouvoir pour réagir contre une église toute puissante, bon, ça, c'est un fantasme qui sort tout droit du XIXe siècle, parce que l'alchimie n'a jamais été interdite par l'église, et pour cause, elle n'avait rien en soi qui motive une quelconque interdiction. L'idée qu'on prit au moment de faire dans son laboratoire, oui, c'est possible, mais les cordonniers aussi priaient pour que Dieu leur accorde la possibilité de faire un beau soulier. Et ça n'allait pas plus loin, sauf dans certains cas. Alors, on pourra préciser ça après, mais où on peut le préciser. Allez-y, tout de suite, allez-y, si vous voulez. Il y a, en fait, on n'a pas on ne peut pas parler d'alchimie spirituelle, ou si vous préférez, de spiritualité alchimique, à proprement parler, avant le début du XVIe siècle. Et ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle qu'on a vraiment des traités qui explicitent cet aspect très délibérément. Seulement, chaque fois, il s'agit l'idée est que soit le fait de parvenir à la pierre philosophale va permettre d'atteindre un nouveau stade jusqu'à l'union avec la divinité, et ce nouveau stade va être exprimé en termes alchimiques. On trouve ça, par exemple, chez Heinrich Kunrat. Ou bien, inversement, on va avoir l'idée qu'il faut passer par une purification morale exprimée en termes alchimiques pour parvenir à transmuter, pour parvenir à la pierre philosophale. Ça, on le trouve chez Gérard Dorne, par exemple. Mmh. Voilà. Et ça s'arrête là. Et ce sont ces alchimistes-là, il faut bien comprendre que ce sont l'exception. Ils sont très minoritaires. Si on disait à des alchimistes, l'alchimie c'est ça, des alchimistes du XVIIe siècle, j'entends, ils vous regarderaient avec des yeux ronds. Bernard Joly semble prouver ce qu'il faut effectivement préciser peut-être dans l'alchimie pour réussir à casser encore l'image que l'on peut en avoir aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que l'alchimie n'est pas une pensée magique, n'est pas une pratique d'incantation, ne se lie pas à une divinité ou à un démon ou une invocation, si ce n'est qu'elle est finalement liée à l'époque et à la religion de son temps, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Didier Kahn, on peut faire une prière à c'est Dieu, Oui. Dans un monde très très croyant, comme chez les Arabes ou au Moyen-Âge, encore au XVIIe siècle, commencer un traité en invoquant la puissance divine, c'est du meilleur goût. Mais c'est un procédé, c'est une façon de faire. Bon, ça correspond à la mentalité de l'époque. Par contre, non, il n'y a pas véritablement de. Vous pouvez me reposer le. Il n'y a pas d'invocation magique, il n'y a pas de pensée magique. Non, c'est pas du tout. L'alchimie ne relève pas du tout la magie. Didier Kahn indiquait tout à l'heure qu'il n'y a jamais eu de condamnation par l'Église, par l'Inquisition, parce que justement, les alchimistes disaient mais nous, ce que nous faisons dans le laboratoire, ce sont des procédés entièrement naturels, hein, et nous cherchons à comprendre les secrets de la nature, bien sûr, mais sans invoquer de puissance occulte, simplement. Simplement par les moyens du laboratoire, les moyens de notre raisonnement, de notre travaux d'êtres humains, avec les moyens qui sont ceux de tout être humain, sans avoir à invoquer rien de magique. Il n'y a pas de magie dans l'alchimie. À l'inverse, les traités d'alchimie montrent un certain nombre de schémas, d'installations, d'alambics, de démarches, de procédés expérimentaux pour essayer de reproduire, d'expliciter. C'est presque des carnets de manipulation, si j'extrapole un petit peu, Didier Kahn. Vous n'extrapolez pas, puisque des carnets de laboratoire d'alchimistes ont été publiés. Oui. Et d'autres vont l'être encore, ceux d'Isaac Newton, le fait est. Il y a un livre qui va bientôt sortir qui s'appellera Newton to Alchemist. Est, donc comment Newton est devenu alchimiste, et il est fait par le meilleur spécialiste actuel sur la question. Il faut dire un mot tout de même de ces traités d'alchimie Bernard Joliet dit Descartes, parce que il y a tout de même un certain nombre de problèmes qui sont liés à ces traités, qui sont liés principalement à la traduction, à la réécriture, à la réinterprétation et à des prête-noms. C'est-à-dire que on écrit beaucoup de traités d'alchimie en se faisant passer pour exemple, Nicolas Flamel, qui est peut-être le nom le plus connu de l'alchimie, qui n'a jamais écrit la moindre ligne d'alchimie, mais qu'on a suspecté, et donc maître Nicolas Flamel, ça permettait de donner une sorte d'autorité au traité. Vous pouvez nous expliquer ce procédé-là, oui, des pseudo-auteurs? Il y a deux choses différentes. Il y a d'abord le procédé qui consiste à attribuer son écrit à un auteur célèbre. Si je suis un moine obscur dans un monastère du sud de l'Italie à la fin du XIIIe siècle, et que je publie sous mon nom que personne ne connaît, mon texte ne va pas circuler. Si je dis que c'est un texte que j'attribue à Aristote ou à Platon, la notoriété des personnages font qu'il y aura une circulation beaucoup plus facile. Ou Thomas d'Aquin, qui est un grand philosophe et théologien, si on lui attribue des traités d'alchimie, ça va circuler. Donc c'est comme ça qu'un certain nombre de pseudo-textes... Mmh. On parle de pseudo-Démocrite, de pseudo-Flamel, de pseudo-Gébert. Gébert, même chose. C'est un auteur que l'on pense être très connu, et donc on lui attribue des textes qu'il n'a pas écrits. Alors après, il y a des légendes, on dirait aujourd'hui des légendes urbaines, hein, qui se sont développées, et le cas de Nicolas Flamel en est un. Mais vous pouvez nous la raconter, racontez-nous sur la question, il pourra en parler. En fait, le cas de Nicolas Flamel procède de la même démarche, si ce n'est qu'on se trouve là au milieu du 15e siècle. Donc les choses ont évolué, l'alchimie s'est répandue dans de plus en plus de couches de la société, et on éprouve toujours le besoin d'attribuer des traités à de grands docteurs médiévaux, à de grands philosophes, mais il se trouve que Nicolas Flamel a passé pour avoir une fortune plus grande que ce qu'elle était réellement. Et donc, Nicolas Flamel. Il était copiste. Bon, voilà, il gagnait de l'argent, il faisait un peu de spéculation immobilière. Il a sa seconde épouse lui avait légué sa fortune, ce qui avait déclenché un procès avec les héritiers de sa femme. Donc, tout ça avait rendu le nom de Nicolas Flamel célèbre sur la place de Paris. Et célèbre avec cette idée qu'il était vraiment particulièrement riche. Et c'est cette fortune qui a reçu une interprétation alchimique. Et du coup, on s'est mis à attribuer des traités à Nicolas Flamel sur la base de sa fortune d'origine prétendument alchimique. C'est-à-dire qu'il aurait trouvé le secret de la pierre philosophale. Donc, fondamentalement, c'est la même démarche, sauf qu'elle s'est déplacée sur des personnages qui ne sont plus des personnages savants. Et on en aura d'autres exemples ensuite, puisque la même chose va apparaître avec Jacques Coeur, le grand argentier de Charles V, à qui on va attribuer des traités sur une base inexistante, en fait. Walk in the light, it shines so bright, that your soul feels right, love is pure gold. Won't you wake up, walk in the light. Won't you wake up, bring substance in your life. Won't you wake up, walk in the light. Won't you wake up, yeah. Where's your heart, where's your pride, has it all been pushed aside? Everything you do. Gold, Earth, Wind & Fire sur France Culture, de l'or pur, puisque c'est ce que cherchaient à obtenir les alchimistes. Il est question de l'alchimie, le fixe et le volatile, l'alchimie comme précurseur de la chimie, l'alchimie vue par l'histoire des sciences. Nous en parlons avec Bernard Joly, qui est professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences à l'Université de Lille, auteur d'une histoire de l'alchimie chez Vuber et Didier Kahn, directeur de recherche CNRS au Centre d'études de la langue et des littératures françaises, qui est auteur de cet ouvrage, Le fixe et le volatile, chimie et alchimie de Paracelse à Lavoisier, c'est au CNRS édition. Et bien justement, avançons dans notre histoire de l'alchimie avec Paracelse, Didier Kahn. Pourquoi Paracelse est un grand nom associé à l'alchimie et pourquoi il a enrichi l'alchimie de tout un pan qui n'existait pas avant son intervention? Eh bien, parce que Paracelse, qui était médecin, alchimiste. On est à quelle période? Redites-nous. Il vit dans la première moitié du XVIe siècle. Donc, il est à la fois médecin et alchimiste, philosophe, théologien, et il va faire subir à l'alchimie une mutation totale. Jusqu'alors, on pensait que les métaux étaient faits de soufre et de mercure. Mmh. C'était l'opinion la plus généralement reçue. Lui, il va dire que les métaux se composent de soufre, de mercure et d'un troisième principe qui est le sel. Le sel était un produit auquel on s'intéressait déjà depuis un certain temps au Moyen-Âge. Alors, le sel qui serait duquel dépendrait la friabilité des métaux. Tout dépend des textes de Paracelse qu'on prend en considération. Parfois, c'est un principe de cohésion. Parfois, c'est le sel qui contient les semences qui vont permettre à toute chose en fait de se multiplier. Alors, justement, la deuxième mutation que Paracelse opère, c'est que il ne se contente pas de dire que les métaux sont faits de soufre, de mercure et de sel. Il dit que toute chose au monde est faite de mercure, de soufre et de sel. Et donc, tout d'un coup, il donne une vision complètement chimique de toute la nature. Et il ouvre la voie à l'exploration chimique systématique de toute la matière. Il va jusqu'à dire que même le ciel et les astres se composent de sel, de soufre et de mercure, ce qui signifie qu'il fait descendre sur la Terre une partie du cosmos qui, dans la vision aristotélicienne des choses, était incorruptible. Mmh. Paracelse, c'est vraiment totalement l'anti-Aristote. Il est anti-tout, si je puis dire, Paracelse, parce qu'il s'oppose à toutes les puissances institutionnelles, philosophiques, théologiques. Il veut vraiment être le révolutionnaire de la pensée et des pratiques de son temps. Et justement, cette nouvelle idée qu'il apporte, avec la possibilité de comprendre y compris le corps humain comme formé également, évidemment, de mercure, de soufre et de sel, permet d'inventer une nouvelle pratique de la médecine qui va s'opposer, parce que Paracelse est tout le temps dans l'opposition, qui va s'opposer à la médecine de son temps, la médecine d'inspiration galénique, de Galien, et ça va créer des querelles considérables, évidemment, dans le corps des médecins, puisqu'un certain nombre d'entre eux vont adhérer aux thèses de Paracelse. Alors, Paracelse n'a pas complètement inventé l'idée que l'alchimie puisse s'intéresser aux êtres vivants. On trouve déjà on trouve déjà des traces de cela chez certains penseurs arabes, par exemple. Mais enfin, Paracelse va systématiser cette idée, va la vulgariser, la populariser, et va créer ce nouveau courant, ce nouveau mouvement de la médecine, hein, la médecine chimique, médecine paracelsienne, enfin on peut appeler ça comme on veut, hein, qui va avoir un succès assez considérable à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. Il va être le premier à dire dans toute son ampleur que tout minéral, tout métal peut receler un remède à condition qu'on sache le purifier et préparer convenablement le remède et bien sûr le doser convenablement aussi. Et ça, c'est entièrement nouveau. Et ma foi, il n'avait pas totalement tort. C'est pour le coup, c'est assez moderne. Est-ce qu'il y a également chez Paracelse la notion de soin, la notion de panacée? Est-ce qu'il y a également, on retrouve chez lui la notion, la recherche, la quête alchimique de la pierre philosophale de Lapis Philosophorum? Ce sont deux questions très problématiques. Des remèdes universels, il lui arrive d'en proposer dans quelques traités très localisés dans le temps, autour des années où il a été enseigné à Bâle, vers 1526-1527, mais ensuite il n'en parle plus. Et puis même là où il en parle, il propose plusieurs remèdes universels. Alors du coup, on ne comprend plus très bien. Bon, ça c'est Paracelse typiquement, rempli de contradictions et ne reculant jamais devant l'auto-contradiction. Et puis pour ce qui est de la fabrication de l'or, on a longtemps dit qu'il était opposé à la fabrication de l'or et il semblerait finalement qu'on se soit trompé et qu'il y ait eu plusieurs phases dans sa pensée, mais que, disons trois phases, mais que les deux dernières phases se caractérisent par une réaction beaucoup plus favorable à l'idée de la transmutation. Et par ailleurs, Paracelse a une autre idée qui va dans le sens de cette notion d'universalisme, de la composition de l'ensemble de l'univers, de la décomposition plutôt en mercure, en soufre et en sel. C'est le principe que finalement, cuire, dissoudre, distiller, eh bien, c'est l'action du corps humain et que, en cherchant à le faire, on ne fait que reproduire ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme, Didier Ken. Oui, l'alchimie, Paracelse l'utilise comme un paradigme pour expliquer à peu près tout le fonctionnement de la nature et le fonctionnement du corps humain. C'est en cela que l'alchimie devient avec lui en quelque sorte toute puissante. Elle se trouve beaucoup plus projetée sur le devant de la scène qu'elle ne l'était avant. Et ensuite, il y a un phénomène culturel qui se produit, c'est que au moment où on diffuse les œuvres de Paracelse, au moment où on les publie, parce qu'il est mort en ayant publié très peu, ça intéresse les médecins, bien sûr, mais ça intéresse aussi les alchimistes. Et du coup, la publication des œuvres de Paracelse relance la publication des traités d'alchimie. Et on se trouve tout d'un coup, à la fin du XVIe siècle, devant un flot de traités. Avec une somme gigantesque. Ouais, aussi bien médicaux, enfin, aussi bien médico-alchimiques qu'alchimiques. C'est le début de l'âge d'or de l'alchimie. Tout à fait. On voit quelquefois l'alchimie comme la science, une science médiévale. Mais l'époque où l'alchimie s'est vraiment développée, c'est le XVIIe siècle. Quand on voit Pierre-Jean Fabre parler du pan chimique, c'est un médecin alchimiste du XVIIe siècle qui écrit ce qu'il appelle en latin une panchimie, c'est-à-dire une chimie universelle qui va interpréter tous les phénomènes de la nature et on voit se multiplier les traités en très grand nombre. Quoi. C'est vraiment l'époque favorite. Alors, quelque chose qu'on pourrait ajouter encore par rapport à Paracelse, c'est qu'il y a une autre profession qui va bénéficier de ces travaux, ce sont les apothicaires. Hein, parce que l'idée qu'il faille guérir les maladies avec des substances d'origine métallique va complètement bouleverser la pratique des apothicaires et faire qu'il faut de nouveaux médicaments, donc de nouveaux traités pour expliquer les recettes, pour fabriquer les médicaments. On a d'énormes traités où les recettes, à partir de tous les métaux qu'on connaît à l'époque, sont présentées. Donc il va y avoir vraiment un renouveau très important. À ce niveau-là. C'est à cette époque que l'alchimie met aussi au centre de ses préoccupations une substance qui va faire énormément de débats, c'est la poudre d'antimoine, Didier Kahn. Oui, l'antimoine, en fait, est utilisé à partir du XVe siècle en métallurgie. D'abord parce qu'il permet de durcir le plomb pour fabriquer des caractères d'imprimerie. Et puis ensuite, on a des recettes à partir de la fin du XVe siècle de purification de l'or par l'antimoine. Donc l'antimoine est un métal, ou un semi-métal, ou un métalloïde, comme on veut, enfin disons un métal. C'est un produit qui se trouve dans la nature sous forme de sulfure d'antimoine, donc un mélange de soufre et d'antimoine. Et il se trouve que le soufre a moins d'affinité avec l'antimoine, en réalité, qu'avec les autres métaux. Donc, si on a affaire à de l'or qui se trouve allié à d'autres métaux, pour le purifier, on le fond avec du sulfure d'antimoine et le soufre va s'attacher automatiquement aux autres métaux. Et on va retrouver l'antimoine avec allié à l'or au fond du vase, puisque en raison de son poids. Et ça va fournir une analogie à Paracels. Paracels va dire, de la même façon que l'antimoine permet de débarrasser l'or de ses impuretés, il permet de débarrasser le corps humain de ses impuretés. Paracels va donc promouvoir des remèdes à base d'antimoine, ce qui va déclencher une querelle mémorable parce que c'est extrêmement dangereux. L'antimoine est un produit... C'est un poison, on peut le dire. Oui, pour le corps humain, c'est un poison. Ça ressemble à l'arsenic, la morora. C'est ça. C'est vraiment un poison très très violent. Donc il faut et le préparer soigneusement et le doser soigneusement. Alors on a inventé des choses absolument incroyables avec l'antimoine, la pilule perpétuelle qui purge. On absorbe cette pilule, ça permet de se purger par le haut, c'est-à-dire de vomir, de se purger par le bas, pas besoin de vous faire de dessin, et comme cette pilule est lourde, eh bien on la rejette en même temps, et ensuite on peut la réutiliser, c'est merveilleux. Un autre aspect de l'antimoine, c'est que lorsqu'on le purifie, lorsqu'on purifie du sulfure d'antimoine en ajoutant du fer et qu'on met une certaine habileté dans cette opération, on peut arriver à faire coaguler l'antimoine pur sous une forme étoilée, sous une forme qui rappelle une étoile. Et ça, c'est quelque chose qui va être très attractif pour les alchimistes. Les alchimistes vont y voir une signature divine. Ils vont y voir l'idée que Dieu a signé cette matière à l'intention des alchimistes et qu'on va pouvoir utiliser l'antimoine pour extraire la semence de l'or et multiplier l'or grâce à cette semence. Ça donne lieu, comme vous l'avez dit, l'un et l'autre, à d'importantes controverses médicales entre ces médecins dits chimistes ou alchimistes et les médecins universitaires, aristotéliciens et galéniques. Et c'est une vraie controverse qui traverse le XVIIe siècle, les uns accusant les autres d'empoisonner et de tuer leurs patients. Tout à fait, oui. Alors la querelle prendra d'autant plus d'ampleur qu'il se trouvera quelquefois qu'il y aura effectivement des cas d'empoisonnement qui vont surgir dans l'histoire, notamment l'histoire de France. Mais la querelle va être importante et ne va s'éteindre que vers la fin du XVIIe siècle. À une époque où on finira par admettre ce que nous admettons aujourd'hui et que Paracels a inventé, que des médicaments peuvent être fabriqués non pas à partir de substances animales ou végétales, mais à partir de substances minérales, ce qui paraissait jusqu'alors inconcevable, mais qui va être admis. Donc, d'un certain point de vue, Paracels, c'est bien l'inventeur de la pharmacologie moderne. Un mot pour parler justement et arriver à Lavoisier qui marque d'une certaine manière, mais vous me le direz, la fin ou la bascule de l'alchimie vers l'alchimie. Il y a un problème, un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'alchimie. L'alchimie n'est pas enseignée en université. Il y a des problèmes de non-réfutabilité. Et puis finalement, on n'arrive toujours pas à transmuter les métaux. À partir de quel moment vous situeriez l'un et l'autre le déclin justement de cette pensée, ou en tout cas Didier Kahn? On en trouve de premières traces. La première trace, c'est dans les années 1620. On voit un chimiste, le fondateur du Jardin des Plantes, en fait, Guy de Labrosse. On le voit parler de l'alchimie comme de l'oiseau d'Hermès d'une façon extrêmement ironique. On voit qu'il se désolidarise entièrement de l'alchimie et qu'il ne parle que de chimie, de façon vraiment extrêmement rationnelle. Comme en plus il semble qu'il ait été athée, on a là une sorte de précurseur de la séparation entre chimie et alchimie. Seulement, là, c'est très tôt. Et la suite, Bernard. Il y a toujours eu des gens qui se sont opposés, même au Moyen-Âge, qui se sont opposés à l'alchimie ou qui ont douté, précisément parce qu'il y avait le fait que la transmutation des métaux, on n'y arrive pas. On espère que demain ça ira mieux, mais enfin on n'y arrive pas. Donc ça pose un problème. Alors, c'est vrai qu'il y a dès le début du XVIIe siècle quelques objections, mais en réalité, l'intérêt pour la chrysopoeia, c'est-à-dire la transmutation des métaux, elle va continuer bien plus longtemps et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et même un peu plus tard encore, si on veut. C'est-à-dire que on voit comment, par exemple, au début du XVIIIe siècle, au tout début du XVIIIe siècle, à l'Académie royale des sciences, toute neuve, qui a été créée quelques dizaines d'années auparavant et qui est le lieu par excellence où la science française, mais universelle, se déploient, s'exposent, se commentent, etc. Les chimistes, puisqu'il y a des chimistes à l'Académie royale des sciences, officiellement vont dire que l'alchimie, c'est pas, on peut pas trop s'y fier et qu'il faut dénoncer les pratiques abusives des alchimistes. Mais en réalité, on voit bien quand on regarde attentivement les travaux auxquels ils se livrent, qu'ils croient toujours à la possibilité de la transmutation des métaux. Un personnage qui s'appelle Étienne-François Geoffroy, il publie vers les années 1720 un traité pour critiquer les supercheries des alchimistes. Sauf qu'on s'est aperçu qu'en fait, il a tiré l'essentiel de ses idées d'un texte en latin qui datait du siècle précédent, qui était écrit par un alchimiste et qui avait pour fonction de dénoncer non pas les alchimistes, mais les faussaires, c'est-à-dire ceux qui prétendent être d'alchimistes alors qu'en fait, ils n'en sont pas. Ce qui donne un peu une relecture possible des travaux de Geoffroy, qui, quelques années auparavant, avait, à l'Académie, devant ses collègues, présenté la méthode et la recette pour fabriquer artificiellement du fer. Et donc, si on peut fabriquer artificiellement du fer en mélangeant du soufre avec du limon et d'autres substances, pourquoi pas d'autres métaux ? Et donc, on voit bien que l'idée de transmutation des métaux, même si officiellement elle n'est plus vraiment à l'ordre du jour, continue de préoccuper un grand nombre de chimistes. Et quand on voit un personnage qui s'appelle Venel, un chimiste du milieu du XVIIIe siècle, qui écrit l'article « Chimie » dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, monument de la modernité. Venel écrit l'histoire de la chimie, c'est-à-dire des alchimistes. Et donc ne renie absolument pas tout le passé de l'alchimie. Quant à Lavoisier, bon. Alors Lavoisier, venons-y, parce que Descartes commence aussi à critiquer un peu l'alchimie. On sait que Newton, par exemple, s'y est intéressé plutôt sur la fin de sa vie. On voit qu'il y a une continuité, en tout cas un tuilage, et que l'alchimie n'est pas ne disparaît pas des traités et des. Descartes n'aime pas les alchimistes parce que leur théorie de la matière ne correspond pas à la sienne. Principalement. Mais il admet dans un texte pas très connu que, en fait, c'est sans doute très difficile, mais qu'on peut espérer un jour réussir à résoudre le problème de la transmutation des métaux, tout comme, dit-il, celui de la quadrature du cercle. Donc voilà deux problèmes scientifiques qui se posent pour Descartes, qu'on ne sait pas résoudre, mais que peut-être un jour, on saura résoudre. Bon, voilà pour Descartes. Alors, ensuite, Lavoisier. Le coup qu'il a porté... Puisqu'on marque la naissance de la chimie moderne à Lavoisier. Oui, ça me paraît un peu abusif, même si l'apport de Lavoisier est considérable. Ce qu'il a apporté, c'est que il découvre que effectivement l'eau n'est pas un corps simple, mais que c'est un corps composé, et il dresse le tableau des corps simples. Et dans les corps simples, il met... les métaux. Alors, à partir du moment où on considère que les métaux sont des corps simples, l'idée qu'on puisse les décomposer pour les recomposer devient insoutenable. Hein? Mais encore faut-il admettre qu'on est d'accord avec Lavoisier. Alors, nous admettons qu'effectivement, les métaux sont des corps simples. Ils figurent dans le célèbre tableau de Mendeleïev, hein, qui est produit à la fin du 19e siècle. Mmh. Seulement à la fin du 19e siècle. Mmh. Et pendant tout le 19e siècle, il y a des querelles, encore, pour savoir si les métaux sont vraiment ou pas des corps simples. Et donc, si la transmutation des métaux est concevable. Est encore possible. Lavoisier ne fait pas que ça. Il rompt aussi avec une tradition qui est celle de la nomenclature hermétique de l'alchimie. C'est-à-dire qu'on en finit avec les sucres de Saturne, les sels de Mars, etc. Mmh. Et on renomme les éléments avec une nouvelle nomenclature rationaliste. Voilà. Et donc, en l'espace de 5 pages, dans son traité de nomenclature chimique, qu'il n'est pas le seul à écrire, puisque c'est un ouvrage écrit en collaboration, on voit apparaître en l'espace de 5 pages l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. C'est assez spectaculaire. Mais je serais tenté de prêter malgré tout plus de poids à Lavoisier, en ce sens que il me semble que quand il découvre la composition de l'air et la composition de l'eau, il ruine tout ce qui repose sur les quatre éléments. Mmh. Et qu'on le veuille ou non, les théories alchimiques reposaient sur les quatre éléments. Et puis il y a des faits objectifs qui sont que à partir des années 1780, tout d'un coup, on n'a plus de manuscrits d'alchimie, on n'a plus de traités d'alchimie imprimés. Enfin, on en a, je sais pas. Disons 50 fois moins qu'avant. Mmh. C'est très, très spectaculaire. Mmh. Alors, on peut attribuer ça aussi à la Révolution française, mais c'est un phénomène qui n'est pas limité à la France. C'est un phénomène qui se constate aussi en Angleterre, en Allemagne, en Italie, partout. Et je pense qu'il y a un facteur aussi supplémentaire dont il faut tenir compte, c'est l'image publique du savant qui se construit avec Fontenelle, donc plutôt à partir du début du XVIIIe siècle hein, et tout au long du XVIIe, puisque Fontenelle va avoir un héritage. Et Lavoisier va être la culmination de cette figure publique du savant. L'alchimiste, lui, il entrait très bien dans le système de l'érudition, c'est-à-dire de celui qui connaît le latin, le grec, du lettré, si vous voulez. Ça collait très bien avec l'image de l'alchimiste, parce que l'alchimiste devait être capable d'interpréter, par exemple, les mythes, les légendes gréco-romaines. Les alchimistes pensaient que ces légendes avaient un sens alchimique. Donc, il fallait être armé de toute la science universitaire pour pouvoir y parvenir. Mais à partir du moment où l'image du savant se modifie et où c'est simplement l'homme, le pur savant adonné à la recherche de la vérité, et pas du tout celui qui connaît le latin et le grec, ce dont Lavoisier va être l'emblème par excellence, là, l'alchimiste n'a plus sa place. Deux questions pour conclure rapidement. Comment expliquez-vous le fait, par exemple, que l'alchimie ne soit pas simplement devenue une science périmée, c'est-à-dire une science qui a été réfutée et donc qui est abandonnée? Pourquoi est-ce qu'elle s'est nimbée de cette aura ésotérique et a persisté et a perduré, finalement, même de manière souterraine, tout au long du 19e et puis un peu au XXe siècle, Bernard Joly, en quelques mots? C'est lié effectivement à ce que Didier Kahn évoquait là à l'instant, c'est-à-dire que à partir principalement du XVIIIe siècle, le centre, les pratiques, les représentations sociales du savant et leurs pratiques concrètes des chimistes changent. C'est-à-dire que les chimistes s'intéressent de moins en moins à la transmutation des métaux. Ce n'est plus pour eux la pierre de touche, parce que c'était cela. Si je sais transmuter les métaux, je maîtrise la nature. Désormais, on pense que la chimie va pouvoir connaître les secrets de la nature par d'autres moyens et en s'appliquant à de tous autres objets, notamment les travaux sur les gaz qui se développent de façon considérable au XVIIIe siècle. Donc il y a un changement. Alors, pour autant, l'idée qu'on puisse quand même effectuer des transmutations des métaux, elle va se réfugier chez des gens qui prennent de plus en plus de distance et qui même s'opposent à la science telle qu'elle se développe à l'époque. Et ça va donner naissance à des courants ésotériques qui vont s'approprier le passé de l'alchimie, qui vont la réinterpréter en occultant des aspects essentiels, notamment la dimension essentiellement chimique et de laboratoire, et puis qui vont en faire ce que l'on connaît aujourd'hui dans les écrits ésotériques en tout genre, hein, qui circulent encore parmi nous. Et pour conclure et résumer cette histoire, l'un et l'autre, je vous demanderai une réponse un peu courte parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Que pensez-vous que l'histoire des sciences doit retenir de l'alchimie? La démarche expérimentale, l'utilisation du laboratoire, une approche empirique des théories de la matière, la réversibilité des opérations chimiques, tout ça à la fois, à votre avis, quel est aujourd'hui l'apport que l'histoire des sciences doit retenir? Didier Kahn. Moi, je serais tenté de penser que avec l'histoire de l'alchimie, on a une portion de l'histoire des idées concernant la constitution de la matière. Et que on ne peut pas en faire l'économie, parce qu'on s'aperçoit quand on l'étudie que ça crée certaines de ces théories créent des ponts entre ce qui a été rejeté, l'aristotélisme, et ce qui va advenir, par exemple, le cartésianisme. Bernard Joly. Oui, donc ce que je retiendrai simplement, c'est l'idée que la science progresse dans l'histoire de façon quelquefois étrange, avec des détours, des retours, et que c'est toute cette complexité, cette diversité, ces paradoxes, ces contradictions qui produisent de la pensée scientifique. Donc la chimie moderne, finalement, elle est l'héritière de l'alchimie, qui était la chimie de l'ancien temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bernard Joly, je rappelle, Histoire de l'alchimie chez Vubert, Didier Kahn, Le fixe et le volatile, Chimie et alchimie de Paracels à Lavoisier au CNRS édition. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment comme chaque jour cette émission sur la page web de l'émission de méthode scientifique sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Hugo Bartholomei, Céline Lezen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Cédric Chatelus à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans quelques instants, dans le grain à moudre, la question que posera Hervé Gardet à ses invités. L'Europe est-elle armée pour défendre l'état de droit? Et puis c'est dans quelques minutes, ça ce sera tout à l'heure à 18h20 après le journal, dans quelques minutes ce sera le dernier épisode de la série documentaire de la semaine Rouge comme les règles par Juliette Boutillier et Nathalie Battus. Pour ce qui nous concerne, demain nous interrogerons le plus grand de tous les paradoxes. S'il y a autant d'étoiles et donc autant de planètes habitables dans notre galaxie, comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas rencontré la vie extraterrestre? Fermi a une petite idée là-dessus, on vous en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.